Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. On va parler des constructions de l'avenir. Les constructions de l'avenir qui connaissent un excellent début de saison dans la Ligue du Lac au Fleuve. Et je voulais parler cette semaine avec un gars qui demeure à Sept-Îles, qui fait régulièrement de la route pour venir jouer ici même à Dolbo Mistassini. C'est le défenseur Maxime Lévesque. Je voulais savoir qu'est-ce qui motive Maxime Lévesque à faire autant de routes pour venir jouer. Salut Maxime! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. On te rejoint évidemment à Sept-Îles. Première question, qu'est-ce qui motive un gars de Sept-Îles de faire autant de routes pour venir jouer à Dolbo Mistassini? Ben, c'est sûr que ça fait beaucoup de routes. Comme j'ai mentionné au groupe d'entraîneurs, je ne serai pas là à chaque match cette année. C'est sûr que quand ça donne, pour moi, ça ne me dérange pas de faire la route par ici. On n'a pas de hockey senior. Je suis habitué à jouer. Je suis un passionné encore du hockey. J'ai plusieurs bons chums dans l'équipe, notamment Simon Tremblay, Frédéric Mérette, puis une couple d'autres. OK. Avec le groupe de joueurs cette année qu'on a, puis le désir de gagner qu'on a, je pense que c'est ça qui me motive à faire la route puis nous jouer au hockey. Parce que c'est quoi? C'est 9 heures de route, à peu près? Non, c'est 6h30, 7h, à peu près. OK, 6h30, 7h. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Puis partir un samedi, l'automne, ça se fait bien parce que les routes sont encore belles, mais l'hiver, ça va être plus dull un peu. Oui, de temps en temps, c'est plus compliqué, mais tu sais, comme je disais, les gens de cette île, on est habitué à faire la route, puis on sort régulièrement. Fait que souvent, on réussit à s'arranger pour faire des commissions en même temps, puis voir de la famille ou des amis aussi. Fait que il y a toujours moyen de bien s'arranger. OK. Dis-moi, Maxime, l'année passée, tu jouais avec Forestville aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ça ne doit pas être facile de jouer dans un environnement perdant comme c'était, là. Non, c'est sûr que c'était... C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu au hockey, autant à perdre de même. Je pense que c'était quand même une belle expérience. C'était une belle année malgré tout qu'on a passé. On avait des défis, des gros défis match après match. Souvent des effectifs réduits. On avait beaucoup de jeunes aussi qui avaient moins d'expérience dans l'hockey senior. OK. Mais somme toute, ça a été une belle expérience quand même. Puis je retire que du positif de ça pareil. Puis surtout que si vous deviez perdre aussi, souvent ça ne veut pas motiver les gars à se présenter. Il y a ce facteur-là aussi. Comment tu trouves le. Tu as joué du gros hockey junior, tu me disais, tu as joué avec les Saguenay de Chicoutimi 2 ans, c'est ça? En quelle année? Oui, exactement. De 2010 à 2012. OK. Comment tu trouves la Ligue du Lac aux Fleurs? C'est un bon calibre. Okay. C'est surprenant quand même la rapidité du jeu. Pour du hockey senior, des équipes dans des petites régions comme ça, je trouve que c'est un bon calibre, un bon mélange de robustesse, puis de finesse, puis d'intensité, de rapidité. Fait que non, c'est un bon calibre, puis je te dirais que depuis 2 ans, j'aime bien ça, je vous l'appelais. OK, puis c'est sûr que il y a du monde qui me dit on voit le calibre évoluer d'année en année aussi, qui progresse aussi. Es-tu d'accord avec ça? Bon. Oui, ben c'est sûr que la Ligue va gagner à se faire connaître à mesure que ça va avancer. Ouais. L'autre chose aussi, c'est le fait d'avoir une équipe à Québec, puis à Alma, puis de cette année un peu plus. Il y a de plus en plus de monde pour qui c'est accessible, puis qui vont joindre la Ligue. Penses-tu que ça va revenir à Forestville? Parce que officiellement, c'est une pause. C'est pas nécessairement terminé. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ça revienne? Il y a des chances, oui. Okay. Je leur souhaite, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire de recrutement, d'organisation et tout ça aussi. OK. Dis-moi, Maxime, comment tu vois la fin de saison avec l'équipe de Dolbo Mistassini? Ça fait 2 ans que les constructions de l'avenir, multiconcessionnaires manquent aller chercher la coupe. Est-ce que cette année, ça va l'être l'année? Ben, je te dirais que la vraie et la seule raison pourquoi je suis là cette année, c'est pour aller soulever cette coupe-là à la fin de l'année. Là. OK. Fait que je pense que tout le monde dans la chambre, à chaque match, là, on joue avec cette idée-là et cette mission-là en tête. OK. Souhaitons-le. Autant pour nous autres que pour le groupe de partisans, c'est ce qu'on veut qui arrive, là, ça c'est sûr. OK. Tantôt, quand tu as dit je serai pas là tous les matchs, dans tes objectifs, c'est quoi de jouer au moins la moitié de la saison, c'est-tu ça? Ouais, ben je te dirais qu'au au début de l'année, là, quand j'avais des pourparlers avec le groupe d'entraîneurs, c'était moins que ça. OK. Mais là, plus que j'y vais, plus que tu sais, j'apprécie le groupe de gars qu'on a dans la chambre, l'ambiance, puis tout ça. Là, fait que probablement ça, là, entre 10 et 12 matchs là, sur les 20, je devrais être prêt. OK, OK. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maxime, on va te souhaiter la meilleure des chances avec les constructions de l'avenir et au plaisir de se reparler. Bon, ben un gros merci, Danny. Le défenseur des constructions de l'avenir de la Boom Sassini, Maxime Lavalle.